la peur. La mer passe calme après une secousse folle. Le vieil arbre affaibli se redresse vers comme il était. L'oiseau encore peu rassuré reprend son envol. Elle sera brisée sur la route du bassin. Tout l'espoir d'un temps s'est éteint, l'avance sans regret. Un nouveau chemin pour elle dirait-on s'est tracé. Une douce rencontre s'est aussi à elle présentée. Tout s'en va et l'autre tout arrive. Après peur, pleure, tempête, assassine. Après ce temps voué à la dérive, du meilleur semble vouloir prendre racine. Les derniers lourds nuages s'éloignent gentiment. Le soleil encore fade discrètement réapparaît. L'atmosphère d'après-guerre se ressent visiblement, puisque le sol encore chargé vit l'angoisse que l'on sait. Et elle livre au passé sa vie mal préparée. Trop agitée, sans réponse, elle l'a épuisée. Mais un ange s'est certainement par la égarée. Il lui a permis ce qu'elle n'a sans doute pas osé. Tout s'en va et l'autre tout arrive. Après peur, pleure, tempête, assassine. Après ce temps voué à la dérive, du meilleur semble vouloir prendre racine. Tout s'en va et l'autre tout arrive. Pour survivre et vivre ce que l'on devine, et s'habiller de la force qu'on se prive, pour pouvoir même renaître de ses ruines. Encore chanter des je t'aime, et elle veut toujours te jouer des poèmes. Si l'on sait que c'est peut-être son millième, mais de sa vie elle a pris l'amour pour thème. Tout s'en va et l'autre tout arrive. Pour survivre et vivre ce que l'on